Bonjour, ici Valérie Levé et François Grégoire. Vous écoutez Futur Simple, édition du 2 mai 2013. Bonjour, vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous présentons aujourd'hui une émission spéciale entièrement consacrée aux maladies mentales. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, nous sommes en pleine semaine nationale de la santé mentale. Si la santé mentale a le droit à sa semaine nationale, c'est que ces maladies affectent de plus en plus de personnes partout dans le monde, au point que la santé mentale est reconnue comme une priorité internationale par l'Organisation des Nations Unies. Et la santé mentale, c'est aussi un sujet qui tient à cœur à notre chroniqueuse Morgane Lemasson, qui travaille dans le domaine des neurosciences. Bonjour Morgane. Bonjour Valérie. Et Morgane, d'ailleurs, tu viens de publier un article de vulgarisation en santé mentale dans le magazine Découvrir de l'ACFAS. Et toujours dans le contexte de l'ACFAS, donc là dans le congrès de l'ACFAS qui se tiendra la semaine prochaine, ici même à Québec, tu organises en collaboration avec le professeur Martin Beaulieu un colloque en santé mentale, un colloque qui réunira 23 sommités en santé mentale. C'est une belle réunion. Oui, ça va être très bien, je pense. Et finalement, c'est en prélude à ce colloque que tu as aussi préparé cette émission aujourd'hui. Donc, finalement, quel est le programme de l'émission aujourd'hui? Alors, en début d'émission, je m'entretiendrai avec le professeur Rémi Quirion, qui est le premier scientifique en chef de Québec. Ensuite, nous poursuivrons avec une table ronde qui réunira 4 spécialistes en santé mentale, à savoir Nathalie Gingras, Charles Effecteau, Roch Hugo Bouchard et Marc Hébert. Très bien, alors c'est assurément un beau programme pour toute l'heure qui s'en vient sur CKRL au 89.1. Et je pense que nous avons déjà le professeur Rémi Quirion au téléphone. Bonjour monsieur Rémi Quirion. Oui, bonjour. Bonjour professeur Quirion, vous occupez alors depuis septembre le poste de scientifique en chef de Québec et à ce titre vous êtes conseiller du ministre Duchesne en matière de développement de la recherche et de la science. Vous êtes également à la tête des conseils d'administration des 3 fonds de recherche du Québec. Mais auparavant, on vous connaissait notamment dans le domaine de la santé mentale, parce que vous étiez professeur de psychiatrie, directeur de recherche en santé mentale et vice-doyen de l'Université McGill. Sur quoi portez vos recherches exactement? Beaucoup les neurosciences, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau et qu'est-ce qui arrive dans des maladies, certaines maladies mentales, comme par exemple la schizophrénie, la dépression, et aussi des maladies du vieillissement, comme les démences de type Alzheimer. Donc, on travaillait utilisant différentes approches, différents modèles, pour essayer de comprendre les maladies et arriver à développer de nouveaux traitements. D'accord. En fait, il existe plusieurs types de maladies mentales. Et quelles sont les plus fréquentes au Québec? Au Québec, vraiment très fréquents. Ils sont un peu comme ça partout dans le monde, c'est tous les troubles anxieux. L'anxiété est assez généralisée. Il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir d'anxiété ou différentes formes d'anxiété pendant leur vie. Après ça, très souvent, les maladies dépressives, les troubles de l'humeur, donc que ce soit la bipolarité ou la dépression plus traditionnelle. Et à l'autre bout du spectre, on retrouve la schizophrénie, c'est quand même 1% de la population, et la schizophrénie est une maladie chronique très très lourde, mais quand même moins fréquente que l'anxiété et la dépression. Oui, au Canada, on dit que c'est 20% de la population qui souffrira un jour de maladie mentale, c'est ça? Oui, entre 20 et 25%. Maintenant, dans l'hémisphère ouest, à peu près les moyennes que l'on observe. D'accord. Et en 2001, l'Organisation mondiale de la santé a évalué à près de 450 millions le nombre de personnes souffrant de maladies mentales dans le monde. Donc ce chiffre est déjà inquiétant, mais ça semble être en expansion à l'heure actuelle. À quoi attribue-t-on cette croissance? Oui, il y a une certaine expansion. Premièrement, on traite mieux les maladies chroniques comme l'hypertension, les maladies cardiaques, certaines formes de cancer. Donc, on est capable de réduire l'impact de ces maladies-là, prolonger la vie, et ce qui fait qu'indirectement, il y a une augmentation d'incidence des maladies mentales. Un autre aspect, c'est qu'on les reconnaît mieux aussi. Ça reste tabou, mais quand même, on en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'on en parlait il y a quelques années. Donc, les gens vont consulter un peu plus et il va sembler y avoir une augmentation. Et finalement, qui peut conduire aussi à l'augmentation des maladies comme des maladies, des troubles anxieux, la dépression, ben c'est la vie qui est très stressante. Oui, de qui n'est pas ouais. comme il y a quelques années où on avait un emploi, on le gardait toute notre vie et bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça change beaucoup, énormément de stress continuellement et ça, sûrement que ça a un impact aussi sur l'incidence des maladies mentales. Et en fait, quels sont les impacts socio-économiques chez les personnes et sur la société? Oui, c'est énorme. C'est certain que c'est des maladies qui sont chroniques, là, de très longue durée et incapacitantes. Donc, oui, dans certains cas, on peut traiter, par exemple, certaines formes de dépression. Certaines personnes sont un peu chanceuses et répondent assez bien aux approches, soit thérapeutiques par médicaments ou par approches plus psychologiques, mais d'autres répondent moins bien. Mais quand même, c'est toute la vie, pendant une durée de vie, on n'a pas de guérison, aucune façon de guérir les maladies mentales. Donc, c'est un traitement à très long terme. C'est incapacitant pour la personne et très souvent aussi pour son entourage. Donc, ça génère des coûts socio-économiques très importants parce que très souvent, la personne n'est pas capable d'avoir un emploi régulier, etc. D'accord. Et en fait, au niveau des coûts monétaires, le budget alloué à la santé mentale a été estimé à plusieurs milliards de dollars, 51, c'est ça? Oui, oui, c'est sûr que dépendamment de la façon dont on regarde tout ça, mais si on voit dans l'ensemble, on prend l'ensemble sur la personne, oui, l'ensemble sur la personne, sur sa famille, son entourage, sur la société en général, c'est des coûts astronomiques. Oui, le fait que ça dure longtemps, ça ne doit pas améliorer les choses. Non, c'est sûr. Et donc, à l'heure actuelle, on semble encore avoir du mal à classifier ces maladies, à les comprendre. D'où vient le problème, selon vous? Ben, je pense que c'est le cerveau. Ouais. C'est une machine qui est formidable. Complexe. C'est l'organe du corps humain qui est le plus complexe. Et on en connaît encore très peu. Donc, très certainement, avec la recherche au cours des dernières années, mais aussi dans le futur, on va mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, ce qui devrait nous amener à mieux comprendre les maladies du cerveau, incluant les maladies mentales, capable de mieux les disséquer pour par la suite mieux les traiter. Mais il reste encore beaucoup de recherches pour percer tous les secrets du cerveau. Oui, parce que on parle que c'est des maladies qui sont multifactorielles, c'est ça, génétique, environnementale. Oui, la génétique, l'environnement dans le sens social d'environnement, et très souvent, c'est rare que c'est très carré, comme par exemple dépression et schizophrénie. Très souvent, il y a un continuum, les personnes peuvent être un peu entre les deux, donc la classification n'est pas aussi catégorique qu'on aimerait le croire des fois, là. D'accord. Et on voit aussi que depuis quelques années, le secteur de recherche et de développement des compagnies pharmaceutiques ferme en masse. Pourtant, c'était jusqu'à présent les secteurs qui étaient principalement impliqués dans la conception des maladies psychiatriques. Comment on va pouvoir résoudre ce problème? C'est certain que dans la recherche en milieu pharmaceutique, a changé beaucoup. C'est partout à travers le monde, là. C'est pas seulement au Québec. Ce qui fait que maintenant, plusieurs grandes compagnies pharmaceutiques externalisent leurs recherches. Donc, plutôt que la faire interne à la compagnie, ils le font en partenariat avec le milieu académique, avec les universités, dans plusieurs cas. Et du côté, pour ce qui est plus spécifiquement des maladies mentales, étant donné que les progrès sont lents, et de trouver de nouvelles approches thérapeutiques, c'est très très lourd, très difficile. Donc, plusieurs compagnies se sont retirées un peu de ces champs d'action-là en laissant les petites biotechnologies et aussi le milieu académique développer. On espère développer de nouvelles pistes de recherche au cours des prochaines années. Et j'espère à ce moment-là qu'ils vont décider de réinvestir massivement dans ce domaine-là parce qu'on a besoin d'investissements très importants à la fois du public, mais certainement aussi du milieu privé, là, pour arriver à développer une nouvelle façon de traiter les maladies mentales. Et dans le domaine du milieu académique, on sait que la recherche en santé mentale existe depuis un grand nombre d'années. Quelles sont les pistes les plus prometteuses, selon vous, pour améliorer la situation vis-à-vis des maladies mentales? Ben, je pense qu'on essaie de comprendre comment le cerveau fonctionne, déjà en partant, ça serait bien, mais aussi l'interaction entre notre génétique, entre nos gènes et l'environnement, et encore une fois, l'environnement dans le sens d'environnement social, de comprendre les interactions entre ces deux grands domaines-là, je pense, vont nous amener vers de nouvelles façons d'approcher les approches thérapeutiques pour les maladies du cerveau, incluant les maladies mentales. Oui, parce qu'en fait, on peut avoir des prédispositions génétiques, oui, et c'est l'environnement, qu'il soit stressant ou autre, oui, qui va, être qui va favoriser, oui, l'émergence de la maladie. Oui, c'est très ça? Souvent, c'est ça qui est un élément déclencheur. Là, parce que... mais c'est important. Et là, on a quand même, avec les dernières 25 années de recherche du côté un peu plus génétique, une meilleure compréhension aussi de l'impact de l'organisation de notre société sur l'incidence, oui, de différentes maladies. C'est pas seulement les maladies mentales, mais l'obésité aussi, etc. Là. Fait que, donc, comprendre les liens entre ces deux grands domaines-là est de plus en plus important pour développer de nouvelles approches pour traiter les maladies. Oui, puis dans le secteur académique, il y a plusieurs outils qui se développent, notamment avec la biophotonique, on en a parlé plusieurs fois à CKRL dans l'émission, qui aide vraiment à l'établissement d'outils diagnostiques maintenant. Et ça, c'est très important aussi, parce qu'il reste quand même, ça reste plus difficile, plus compliqué à poser un diagnostic pour les maladies mentales, reconnaître les différents types, les différents spectres des maladies mentales. C'est quand même plus compliqué que de prendre la tension artérielle, oui, ou le glucose sanguin, là, qui est très, c'est très carré. On n'a pas d'outils aussi précis que ça encore dans le domaine des maladies mentales, mais on espère qu'avec différentes nouvelles technologies comme la biophotonique et autres, là, ça va nous permettre d'avancer de ce côté-là. Ben merci infiniment, professeur Quirion, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Et aussi, je voulais vous remercier pour votre soutien inestimable dans les événements que je mets en place concernant la santé mentale, puisque vous allez donner la conférence d'ouverture au colloque que nous organisons au congrès de l'ACFAS. Donc, merci infiniment. Merci encore et on se voit la semaine prochaine. Oui, merci. À bientôt. Merci. Bien, merci beaucoup à Monsieur Quirion. Donc, je rappelle que vous êtes professeur titulaire en psychiatrie et directeur scientifique du Centre de recherche de l'hôpital Douglas à Montréal et aussi scientifique en chef du Québec. Donc, merci d'avoir participé à Futur Simple. Merci Morgane également pour cette entrevue fort enrichissante et je pense qu'il a bien mis la table pour la table ronde qui va venir. Et après cet aperçu général des problématiques de santé mentale présentées par le professeur Rémi Quirion, nous allons continuer d'explorer le sujet en table ronde avec quatre spécialistes de la question. Donc, nous avons autour de la table, je vais les présenter l'un après l'autre. Donc, nous avons Nathalie Gingras, qui est directrice du département de psychiatrie et neurosciences de l'Université Laval. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous avons Roch Hugo Bouchard, chef du département de psychiatrie, médecin psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Donc, bonjour Monsieur Bouchard. Bonsoir, c'est ça? J'ai pas encore bien repéré qui était qui. Hein? Nous avons également Marc Hébert, professeur directeur de recherche dans l'axe de recherche neurosciences cliniques et cognitives, également à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Bonjour Monsieur Bonjour. Hébert. Et nous avons pour finir Charles Fecteau, professeur et chercheur, toujours à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Bonjour Madame Fecteau. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Bien que la découverte des médicaments en psychiatrie ait marqué un tournant dans les dernières années, dans les dernières 40 ans, dans la prise en charge des maladies, leur efficacité est encore largement jugée insatisfaisante. Docteur Bouchard, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, tout simplement parce que, en fait, la médecine est efficace dans les traitements ou dans la guérison quand elle connaît la cause. Or, pour la plupart des maladies mentales, notamment pour la schizophrénie, la cause de cette maladie ou de ces maladies, parce que on a l'impression que sous ce nom se regroupent différentes entités, la cause de la maladie mentale ou de cette maladie mentale n'est pas connue. Par contre, depuis le dernier siècle, on parle de schizophrénie comme mot schizophrénie depuis 1908, alors un peu plus d'un siècle, il y a des tas de choses que nous savons maintenant qui ne sont pas la cause. Et parmi ceux-là, on sait que c'est pas la mère schizophrénigène, on sait que ce n'est pas non plus les esprits, on sait que ce n'est pas la sorcellerie, on sait que ce n'est pas l'influence de l'âme, mais on sait maintenant plus que c'est une maladie du cerveau. Et à travers cette cause principale de maladie du cerveau, on sait que cette vulnérabilité est l'expression d'une génétique et de causes environnementales, donc de causes complexes pour lesquelles encore aucune n'a été dégagée comme la seule ou unique ou des causes importantes qui font en sorte que nous pourrions avoir un traitement visant la cause. Là, on vise des symptômes, mais pas la cause de la maladie. Mais qu'est-ce qu'on reproche en fait aux médicaments actuels? Mais je crois qu'on leur reproche rien de spécifique, sauf, vous savez, les reproches, ça va de surtout de l'incompréhension qu'ont certains de la maladie mentale, qui mêle un peu les raisons ou les conséquences émotionnelles des détresses amenées par des maladies du cerveau, en pensant qu'il s'agit que d'un effort de volonté pour modifier ces maladies, alors qu'en fait, la maladie mentale appartient au domaine de la médecine et pas juste au domaine des émotions. Et à travers ces discussions qui parfois font qu'il y a des discussions extrémistes entre des causes uniquement biologiques ou des causes uniquement non biologiques, alors que finalement, le consensus plus raisonnable est le fait qu'elle mélange des causes environnementales et des causes biologiques et qu'effectivement, vis-à-vis certaines causes environnementales, une médication est mal comprise comme étant la solution à des causes environnementales que sont les infections, la malnutrition, la violence de l'enfance ou autour de conditions particulières où on a l'impression que si on changeait des conditions environnementales, on pourrait changer la maladie. Et on comprend pas comment une pilule peut faire en sorte qu'on change ces conditions. Donc, je pense qu'on a encore énormément, à travers la connaissance acquise ou à acquérir, à faire de l'information comme vous le faites aujourd'hui pour être capable d'aller un peu plus loin sur ce que traite réellement la médication. Elle ne traite pas les causes environnementales, elle ne traite pas les peines d'amour, elle ne traite pas les deuils, elle ne fait pas s'habiller le matin, elle ne se fait pas déshabiller le soir, elle traite des symptômes et certains aspects de la maladie, mais la médication n'est pas la seule solution, et c'est pour ça qu'elle doit être accompagnée pour être efficace avec d'autres approches que sont la psychothérapie, de famille ou individuelle ou d'autres conditions qui favorisent non seulement le maintien mais participent à l'amélioration globale d'un état de santé physique et mentale. Beaucoup on parle des effets secondaires des antidépresseurs, des anxiolytiques ou des thymorégulateurs. Est-ce que c'est vraiment un problème? Oui, c'est un problème. C'est un problème. La maladie mentale est un problème en ce qui concerne, avec ou sans médicaments, l'espérance de vie. L'espérance de vie espérée chez des gens qui souffrent de maladies mentales sévères montre que l'espérance de vie est de 25 ans inférieure à ceux qui ne souffrent pas d'une maladie mentale. Et on est en train de s'apercevoir, effectivement, qu'à l'intérieur de traitements pharmacologiques pour la maladie mentale peut se développer certains maladies dites métaboliques ou la vulnérabilité pour le diabète, l'hypertension ou d'autres types de maladies peuvent des facteurs à contrôler pour diminuer les risques amenés par la médication ou ses effets secondaires. Mais en général, nous pensons et nous le pensons toujours qu'il y a plus d'avantages à être traité qu'il y a d'inconvénients à l'être. Donc, la plupart des gens qui connaissent des effets mortels par rapport à la maladie mentale sont ceux qui ne sont pas traités. Et à mon avis, encore une fois, l'important est de bien saisir, de pas nier ces effets secondaires, de les prévenir ou de les traiter quand ils apparaissent. D'accord, donc j'imagine que le diagnostic est très important, mais ne connaissant pas l'étiologie, donc la cause des maladies, il doit être très difficile à mettre en place, surtout que pour certaines pathologies, différentes personnes peuvent avoir des symptômes différents et à l'inverse, différents types de pathologies peuvent avoir les mêmes symptômes. Quelle est la difficulté pour un psychiatre du coup? D'abord, ils sont de plusieurs niveaux, la difficulté. Il y a d'abord, et j'ai ma collègue Nathalie Gingras qui pourra vous en parler certainement, c'est l'apparition chez l'enfant ou dès le début des symptômes de la reconnaissance de certains signes ou symptômes spécifiques qui signent une maladie. Malheureusement, actuellement, en ce qui a trait à, aux maladies mentales importantes, sévères, il n'y a pas un symptôme qui signe une maladie. Vous avez raison, il faut réunir plusieurs types de symptômes de nature différente, émotionnelle, cognitive ou d'expression de la réalité, pour être capable effectivement d'avoir un diagnostic. Mais depuis quand même plusieurs années, le diagnostic peut s'établir et peut se comparer d'un pays à l'autre, d'un psychiatre à l'autre, avec des conventions diagnostiques qui font en sorte que effectivement plusieurs critères sont nécessaires pour avoir un diagnostic, mais la capacité d'établir un diagnostic est meilleure maintenant qu'il y a plusieurs années en raison des conventions et des études qui se sont faites pour être capable de mieux saisir l'ensemble des pathologies pour en avoir une idée sur l'évolution et le pronostic. Par contre, effectivement, et le Dr Hébert vous en parlera maintenant, bientôt, la science permettra peut-être d'avoir des tests de dépistage qui font en sorte que le clinicien sera aidé non seulement par les signes et symptômes, mais aussi par des marqueurs biologiques qui pourront tenter de mieux cerner plus rapidement la maladie mentale à travers des tests de biologie. D'accord. Donc, à partir de quel âge à peu près peut-on avoir les premiers symptômes dans les maladies mentales, Madame Chakra? En fait, la majorité des symptômes pour les maladies plus psychiatriques débutent vraiment avant l'âge de 25 ans. Donc, on va voir, en fait, la conception de la maladie mentale évolue de plus en plus. C'est-à-dire qu'on parle qu'actuellement, on a une approche plutôt catégorielle qui nous aide, en quelque part, à se comparer, à essayer de s'organiser. Mais dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est que probablement, il y a une espèce de voie finale commune, par exemple, avec l'apparition de symptômes comme la psychose oui. ou la dépression. Mais qu'au départ, il y a des éléments qu'on appelle en phase prémorbide. Donc, chez l'enfant, ce qu'on va voir apparaître, soit des symptômes anxieux, des symptômes de troubles d'attention, par exemple, et on va voir qu'avec l'évolution, va apparaître de façon plus claire la voie commune finale. Et dans les études, que ce soit en génétique ou dans les études actuellement, même épidémiologiques, on voit beaucoup plus de recoupement entre les différentes pathologies qu'on a mis en catégorie et beaucoup plus sur une vision probablement éventuellement de continuum entre tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, nos médicaments sont très multidéterminés, c'est-à-dire que c'est rare qu'un médicament touche une seule chose ou un seul récepteur et tout ça. Donc, quand on regarde comme il faut la charte de nos médicaments, il est un peu normal qu'un médicament peut aider à la fois un élément, par exemple, un symptôme plus dépressif qu'un autre symptôme. Donc ça, c'est, je dirais que le clinicien, en quelque part, doit apprendre à vivre seul en pédopsychiatrie ou chez les moins de 18 ans. Oui, on se sert des approches catégorielles, mais on a appris avec le temps à plutôt se concentrer sur finalement le besoin du jeune qui est devant nous et de voir en termes de symptômes, sur lesquels éléments on va aller travailler. Puis comme Dr Bouchard amenait tout à l'heure, toujours en combinant différentes variables. C'est très important d'avoir bien sûr les symptômes qu'on objective par l'enfant lui-même, par les parents, par l'école, et de combiner ça avec d'autres variables que ça soit l'imagerie, que ce soit les éléments cognitifs et tout ça. Et c'est ça qui nous amène progressivement vers probablement plus de précision sur la cible. Mais il faut comprendre que les maladies psychiatriques, de plus en plus, on les voit comme des maladies vraiment neurodéveloppementales qui débutent beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait au préalable. Est-ce que ça c'est dû, est-ce que ça démarre plutôt maintenant dû aux problèmes de société? Rémi Quirion a parlé du stress. Est-ce qu'on voit l'impact de la société et du stress sur l'apparition des maladies chez nos jeunes? Je peux pas dire qu'il y a vraiment d'études qui pourraient comparer, par exemple, le stress d'aujourd'hui au stress d'il y a quelques millénaires. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que c'est vrai qu'il y a une combinaison entre l'effet des stresseurs, si on le voit, et les éléments génétiques. Donc, quelqu'un naît avec un certain risque génétique, qu'on pourrait dire. Puis, comme disait Dr Bouchard tout à l'heure, il apparaît des événements environnementaux, des stresseurs tôt dans la vie. Entre autres, on voit, par exemple, les phénomènes d'abus chez l'enfant vont avoir un impact. Alors, ce qu'on peut penser, et puis ça, il y a des auteurs comme Michael Rother qui l'ont démontré récemment, c'est que la génétique, ce qui est intéressant, c'est que l'environnement influence les gènes influencent l'environnement, donc il y a vraiment un impact. Alors très tôt, oui, les effets de stress vont avoir un impact chez l'individu. Alors oui, dans la première partie, on a vu que les traitements médicamenteux utilisés actuellement étaient efficaces, mais pouvaient poser encore quelques problèmes. Docteur Gingras, quelles sont les pistes de solutions d'ores et déjà évaluées en recherche fondamentale pour améliorer la situation? Alors, comme on disait tout à l'heure, la première molécule qui a été découverte, c'est en 1950 avec le chlorpromazine. Dans le fond, suite à cette découverte-là, on est resté finalement sur une ligne davantage d'amélioration, si on veut, de ces types de molécules-là. Alors que dernièrement, ce qu'on voit avec, comme on disait tout à l'heure, une meilleure compréhension de la maladie, même si on n'a pas tout compris encore, on comprend que c'est neurodéveloppemental, ce qui nous amène aussi des cibles différentes. Donc, il y a la génétique qui nous amener un cible. Et ce qui est difficile pour la recherche actuellement, c'est vrai dans d'autres maladies, par exemple maladies physiques, dès qu'on a un marqueur qui nous dit, par exemple, on fait une formule sanguine, ça nous dit, bon, mais là, il y a une anémie, c'est plus facile après ça de faire des recherches. En psychiatrie, c'est quelque chose qui nous manque. Et là, de plus en plus, on est à la recherche de biomarqueurs, qu'on appelle. Alors, en génétique, on va en parler tout à l'heure avec Dr. Hébert. Également, au niveau de l'imagerie, il y a des choses qui se sont développées. De plus en plus intéressante. Les approches cognitivos, dans le fond, tout ce qui est neuropsychologie, toutes les études sont aussi aidantes à ce niveau-là. Ça nous permet des fois même de combiner deux marqueurs ensemble pour être plus certain, dans le fond, qu'on a une espèce de... C'est ça. Des éléments, on ne peut pas parler encore vraiment de diagnostic, mais ça nous oriente vers une constellation qui, à ce moment-là, va être indicatrice de... Il va nous aider à trouver, par la suite, les chercheurs vont être plus capables de dire, bon, ben, c'est quoi le mécanisme qu'on pourrait mettre en place pour vraiment traiter la cause cette fois-là et non pas finalement essayer de faire comme un maintien puis d'améliorer bien sûr la qualité de vie comme on disait de la personne. Il y a eu des approches aussi, il y a des gens qui ont pensé à la question de régénération cellulaire en se disant, bien si finalement les cellules ne fonctionnent pas bien, donc ça a été essayé par exemple dans certaines maladies comme la maladie d'Huntington. Actuellement, c'est pas encore tout à fait prometteur, parce que quand on prend les cellules, on les met dans le cerveau, des cellules neuves, finalement, on retrouve la même maladie qui réapparaît, d'où l'importance encore là d'aller au mécanisme de base. Alors, c'est des avenues prometteuses actuellement. On a des nouvelles cibles de traitement attachées finalement à la recherche de biomarqueurs dans ce sens-là. D'accord. Donc là, vous parlez de différentes cibles pharmacologiques, enfin des cibles moléculaires où certains médicaments pourraient intervenir pour améliorer et diminuer les symptômes, mais il y a d'autres techniques qui sont évaluées en laboratoire et même déjà mises en place en clinique. Docteur Fecteau, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, donc comme Dr. Gingras a mentionné, il y a des techniques de neuroimagerie maintenant qu'on peut utiliser, donc pour avoir une idée un petit peu des différents patrons d'activation et de déactivation du cerveau. Donc, comme par exemple l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ouais. Et avec ces résultats-là, on voit qu'il y a des régions justement qui s'activent plus ou moins bien dans différentes pathologies. Alors, une des techniques qu'on utilise, c'est des techniques de stimulation cérébrale non invasive, donc il n'y a pas de procédure comme telle, et qui permet de moduler l'activité du cerveau. Alors, c'est des techniques qui existent d'à peu près d'environ 1985, oui, quand même quelques années. Par contre, au niveau théorique, on remonte dans les 1800. Oui, donc, avec ce qu'on parlait des électrochocs, etc. Et même avant ça, on parlait de réélectrique, en fait. Ah oui. Donc là, on remonte avec nos cousins français qui mettaient les réélectriques sur la tête des patients. Donc, en théorie, c'est quand même, ça fait longtemps qu'on sait que le cerveau fonctionne avec les influx électriques et que, bon, en théorie, on pourrait essayer de les aider de cette façon-là. Donc c'est ça. En ce moment, on essaie de développer différents protocoles avec des pulsations électromagnétiques ou aussi avec des courants électriques continus de faible intensité. Pour les patients qui ont une dépression majeure, réfractaire aux médicaments, donc c'est déjà une application qui est approuvée aux États-Unis, dans différents pays et au Canada. Exact. Vous travaillez plus précisément sur l'addiction, non? Oui, je m'intéresse entre autres. Mais il y a aussi d'autres types d'études qui sont faites sur des méthodes plus naturelles. On regarde l'effet de la méditation, du yoga. Vous êtes des spécialistes en santé mentale. Est-ce que vous pensez que ces techniques-là sont prometteuses? Parce qu'elles ont l'avantage d'être naturelles et puis complémentaires peut-être au niveau émotif. En fait, c'est très intéressant. Il y a aussi l'effet de l'exercice. Même. Oui, l'exercice. C'est intéressant physique. De voir l'effet de l'exercice physique au niveau de la régénérescence cellulaire, ce qu'on n'aurait pas pensé, parce que quand moi je suis rentrée en médecine, la même chose, on nous disait, on tenait avec telle quantité de neurones, oui. puis à la fin, ben tu fais juste les perdre. Et ce qu'on se rend compte, c'est que non, dans les faits, il y a de la régénérescence possible. Il y a différentes techniques, comme vous dites, et tout ça peut être combiné. Mais c'est pour ça que ça revient à l'importance de bien identifier nos biomarqueurs, de bien comprendre finalement. Quelle est la constellation, comme je disais, de symptômes et d'éléments qu'on a devant nous. Il faut revenir un petit peu, bien sûr, je ne veux pas qu'on jette le DSM et tout ça, mais c'est de comprendre qu'il faut avoir des approches nouvelles et combiner à des fois aussi des idées plus intuitives. Hein. La recherche, c'est ça aussi. Puis les grandes découvertes, des fois, se sont faites aussi de façon un peu plus intuitive. Donc, tout ce qui est de la recherche, je dirais plus créatrice au départ, là, et c'est un peu ça qui se fait présentement, et combiner les énergies. Alors oui, il y a des approches qu'on pourrait parler plus douces de psychothérapie aussi. D'ailleurs, quand on prend un patient qui a, par exemple, un trouble obsessionnel compulsif dans une résonance magnétique fonctionnelle, qu'on lui donne une médication ou qu'on fait faire une thérapie cognitivo-comportementale, on voit les mêmes changements au niveau de l'imagerie. Donc, d'accord. ça veut dire que la séparation corps et esprit, comme disait Dr. Bouchard tantôt, ça devrait plus exister. Là. Hein? On peut pas dire une maladie organique ou une maladie psychique, c'est finalement une maladie qui a des manifestations psychiques ou qu'on peut voir au niveau de la phénoménologie, mais qui a aussi vraiment des bases organiques. Et pour revenir pour l'exercice physique, on montre que ça a des effets antidépresseurs quand même très intéressants. Est-ce que bientôt on va prescrire des séances au gym? En fait, on le fait déjà. Par exemple, je peux vous dire que nos adolescents, ça arrive assez fréquemment qu'ils vont arriver, par exemple, hospitalisés avec un diagnostic de dépression, qu'on va remettre pas juste la question d'exercice physique, mais le cadre de vie. À quelle heure tu te couches, de s'alimenter sainement, de faire de l'exercice. Et on va voir des jeunes qui émergent d'un syndrome d'allure dépressif et finalement avaient besoin peut-être de réaligner, je pourrais dire, de façon simplement, les neurones pour faire en sorte que la chimie du cerveau fonctionne mieux parce qu'il n'y avait pas une hygiène de vie adéquate. Donc, la notion d'hygiène de vie, ça, c'est le premier niveau que tout le monde devrait de toute façon retenir. C'est vrai pour le diabète, c'est vrai pour le fonctionnement du cerveau aussi. Et on a parlé tout à l'heure du DSM et le DSM est réévalué à l'heure actuelle. Pourquoi? Quelles étaient les raisons de cette réévaluation? On parle de qu'il y avait une catégorisation des maladies mentales trop importante. Quel est votre avis là-dessus? En fait, c'est mon avis personnel. Je suis un peu quand même déçue de l'évolution. Il faut comprendre que la création du DSM, puis l'évolution du DSM, c'est quand même, il y a des aspects plus politiques, puis il y a beaucoup d'éléments en même temps. Donc, il y avait un espoir quand tantôt je parlais des approches dimensionnelles et tout ça. Actuellement, ça semble pas aller vers ça. Puis il y a des décisions, par exemple, pourquoi maintenant on voit disparaître la catégorie, par exemple, du syndrome d'Asperger qui est mis à l'intérieur de l'autisme, on peut se questionner. Alors, on n'a peut-être pas fini tout le monde d'absorber encore, bien sûr, c'est tout nouveau, là, tous ces changements-là, puis pourquoi ça s'en va dans telle ou telle direction. Et je pense que comme médecin, comme scientifique, on doit toujours garder un esprit critique par rapport à ça. Mais comme disait Dr. Bouchard tout à l'heure, c'est sûr que c'est des outils, finalement. Il ne faut pas prendre ça pour une bible ou... Donc, c'est des outils qui peuvent nous aider, mais actuellement, c'est... Je peux dire que moi, j'ai pas encore fini de comprendre où ça s'en va là, présentement. D'accord, je vous remercie. Alors, on a vu dans les deux parties précédentes que les diagnostics en psychiatrie sont souvent difficiles à établir et que les thérapies tentent de diminuer les symptômes des maladies, mais ne permettent pas de prévenir leur émergence. Alors, quelles sont les avenues développées en recherche pour résoudre ce problème, professeur Hébert? Oui, ben dans une des approches qu'on a nous à l'institut, c'est d'évaluer. Comme vous savez, on peut pas évaluer le cerveau directement, on peut pas sonder directement au niveau de la chimie du cerveau. On utilise une méthode qui peut paraître un peu spéciale parce qu'on y va par les yeux. On passe par les yeux pour étudier le cerveau. On utilise la rétine de l'œil. La rétine, c'est la partie neurale de l'œil. On peut comparer l'œil à une caméra et la partie neurale de la rétine représenterait le film. C'est là l'endroit qui va capter les photons, la lumière, et va la transmettre au cerveau pour générer l'image. Cette rétine-là contient la même chimie que le cerveau. En fait, dans le développement, dans l'utérus, quand le cerveau se développe, il y a une partie du cerveau qui va devenir la rétine. Oui, puis en fait, les maladies mentales sont dues à un débalancement de la chimie du cerveau. Exactement. D'où l'importance d'évaluer cette chimie-là. Et c'est difficile de l'évaluer dans le cerveau. Le cerveau est fort complexe, mais la rétine, beaucoup plus simple paradoxalement, même si ça fait beaucoup de choses, la rétine. Ça emmène la génération de l'image à la fin. C'est quand même assez exceptionnel. Mais c'est très bien structuré, puis on connaît assez bien la structure. En fait, on la connaît très bien, la structure de la rétine. Et la façon de la mesurer, c'est un peu comme un électrocardiogramme que les gens connaissent bien, ou un électroencéphalogramme. On fait la même chose au niveau de l'œil. C'est un électrorétinogramme. Et ça se mesure assez simplement. Donc, en fait, on envoie une lumière, puis on évalue les mouvements de l'œil, de la rétine. On capte. Vous savez, on mentionnait tantôt que la chimie du cerveau va générer des petits courants électriques dans le cerveau. C'est comme ça que le neurone communique avec un autre neurone. Et dans la rétine, c'est la même chose. Comme le cœur aussi va produire un signal électrique qu'on peut capter. Donc, dans la rétine, on capte le signal, mais pour le générer, il faut envoyer un flash lumineux. La rétine va l'absorber, va changer ça en signal électrique pour le cerveau. Et nous, on peut le capter. On l'amplifie 50 000 fois environ et on peut voir le signal. Et de ce signal-là, on va trouver ce qu'on appelle un biomarqueur, quelque chose qui est particulier à la maladie, par exemple la schizophrénie ou une maladie bipolaire. Et ce biomarqueur-là nous renseigne sur cette particularité-là. On parlait tantôt avec Dr. Bouchard, l'efficacité des médicaments, tout ça. La schizophrénie, c'est une maladie, on donne le titre de schizophrénie, mais il y a beaucoup de sous-types à l'intérieur de ça qu'on connaît pas encore. Oui. Et ce qu'on appelle l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité. On parlait, les gens n'ont pas tous les mêmes symptômes exactement. Oui. Pourtant, ils vont s'appeler schizophrène ou maladie bipolaire. Et souvent, même pour le psychiatre, ça peut prendre du temps parce qu'il y a des symptômes partagés entre ces maladies-là. Il y en a qui sont différents. Et en allant vers un biomarqueur, on peut aider le clinicien peut-être à se faire une idée plus rapidement, plus précoce aussi. Certains biomarqueurs vont apparaître dès l'enfance. C'est ce que nous, on découvre. Docteur Gingras disait tantôt, il n'y a pas juste ces biomarqueurs-là, il y a l'environnement qui va influencer aussi. On peut identifier un biomarqueur dès l'enfance, mais ça ne veut pas dire que la personne va avoir la maladie nécessairement. L'environnement va avoir un gros impact aussi. Donc, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Il n'y a pas juste la génétique, le biomarqueur qui va nous aider à découvrir la prédisposition à une maladie psychiatrique. Laquelle la personne va avoir aussi, c'est une autre histoire. Quel sous-type qui pourrait nous orienter vers une meilleure médication, c'est un autre problème. Quels facteurs environnementaux qui influencent cette chimie-là et si ça a un impact différent? Donc, en fait, l'avantage, c'est que ces biomarqueurs-là permettraient de diagnostiquer dès l'enfance, avant précoce. Que les symptômes n'arrivent, les maladies, de pouvoir vraiment adapter la médication en fonction des sous-types de pathologie, c'est-à-dire il y a plusieurs types de dépression, il y a plusieurs types de schizophrénie, donc là on va vraiment pouvoir avoir une médecine personnalisée. Oui, c'est exactement l'objectif. Oui. Et suivre l'évolution des médicaments aussi. Oui. Médecine personnalisée, c'est vraiment arriver, donner le bon médicament à la personne en identifiant c'est quoi son sous-type de maladie particulier. Un médicament ne fonctionnera pas sur tout. Les sous-types de schizophrénie. On les connaît pas encore, ces sous-types-là, d'ailleurs. Mais si on pouvait arriver, dès le début de la maladie, dire « Ah, cette personne-là va répondre à tel médicament parce qu'il a ce sous-type de maladie-là et on sait que ce sous-type-là répond bien à ce médicament-là. » Mais à l'heure actuelle, on parle de recherche fondamentale. C'est pas encore utilisé en clinique. Est-ce qu'il existe des biomarqueurs en clinique à l'heure actuelle? On est très proche d'avoir des applications, je vous dirais. Oui, en fait, c'est d'ailleurs la promesse du futur de penser que la maladie mentale n'est pas que la maladie de l'autre, et que les gens vont pouvoir se sentir concernés comme on l'est si on parle de maladie du vieillissement, de l'Alzheimer, quand on parle de cancer, on se sent concerné. Le fait d'avoir des biomarqueurs va permettre, de la même manière qu'on le fait pour le cancer, de la même manière qu'on le fait pour certaines maladies, penser non seulement qu'on peut la prévenir, mais agir à temps, c'est la médecine personnalisée, agir pour la bonne personne au bon moment, avec les bonnes interventions, pour effectivement éviter des conséquences graves ou une évolution de la maladie prise trop tardivement, avec déjà une évolution silencieuse en sous-marin qui aura causé plusieurs déficits et qui fera en sorte que l'efficacité des médicaments de façon générale ou des autres interventions fera toujours qu'il y a entre 25 et 30% des gens qui répondront pas très bien à l'ensemble des thérapeutiques offertes. On sait que on le comprend pour les maladies comme le cancer, que quand on découvre un cancer déjà qui est très avancé, qu'on n'a pas grand-chose à faire, mais on comprend aussi, notamment pour la prévention du cancer du sein ou pour d'autres, que des personnes, quand ils pensent que c'est pas la maladie de l'autre, mais que ça peut être la leur, puissent agir en prévention avec des techniques qui vont aider à faire en sorte qu'on puisse prévenir en ayant la connaissance de facteurs de vulnérabilité. Donc, c'est pas toujours un indice de maladie, mais de facteur de vulnérabilité sur lequel on pourra influencer, je pense, par en suivant, en ayant des actions ou une procédure faisant en sorte que on pourra aller moins loin vers les conséquences ou les déficits graves de cette maladie. J'inviterai les gens, et je vois que le temps passe, vous avez résumé dans un article, Morgane Lemasson, dans Santé mentale, défis mondiaux et sociétés dans la revue Découvrir. Je l'ai lu avec intérêt et je pense que les gens pourront le faire s'ils veulent comprendre et résumer la situation dont on a parlé aujourd'hui. Vous l'avez fait de façon exceptionnelle et je pense que l'information est non seulement très pertinente, mais aussi, je pense que tout le monde peut avoir lire et apprécier ce papier. Je vous remercie. Puis, je voulais parler aussi des préjugés, parce que on parle de santé mentale j'en parle à la radio, j'en parle dans les écoles pour une chose, c'est-à-dire que elles sont pas vraiment vues comme des maladies, comme des pathologies. Je pense que l'arrivée des biomarqueurs va changer un tournant. On va pouvoir avoir vraiment un élément pour dire oui, ces personnes-là sont malades et pas juste fainéantes ou qui manquent de motivation. Ça, c'est vraiment un obstacle à l'évolution au niveau de la société, Madame Gingras. En fait, c'est un obstacle à plusieurs niveaux. Je vous dirais même au niveau des subventions pour les recherches, si vous regardez, que ce soit des subventions au niveau des IRSC ou des organismes subventionnaires, pas seulement les IRSC. Si vous regardez en pratique, actuellement, les compagnies pharmaceutiques ont tendance à se retirer aussi du champ. Il y a beaucoup la question des préjugés. La maladie mentale n'est pas traitée sur le même pied que les autres maladies. On peut, par exemple, remarquer que les médicaments, pour l'épilepsie, c'est beaucoup moins compliqué d'arriver à la phase clinique avec une médication pour l'épilepsie qu'avec la dépression, par exemple. Donc, les préjugés ne jouent pas plus, pas seulement en clinique, dans notre société, comme ça, mais aussi dans les structures, dans le financement. Alors, c'est très important d'en parler, d'essayer de trouver des façons, finalement, de bien financer la recherche, de faire en sorte que les gens se sentent pas mal non plus d'avoir ces problématiques-là au même titre que d'avoir un diabète ou autre chose. Et il y a beaucoup de travail qui reste à faire par rapport à ça, parce que encore de nos jours, quand on dit à un adolescent, disons, tu as une dépression ou tu sembles avoir des symptômes psychotiques, c'est automatique, la famille, le jeune va dire, ben non, mais là, je suis pas fou. Alors, le mot fou, la folie, la stigmatisation, c'est vraiment un problème qui est très présent. Et dans nos structures hospitalières, tout ça, d'être capable qu'on soit reconnu finalement au même titre que les autres types de comme Dr Hébert est ophtalmologiste, lui, la vie est facile. Pour la discipline, la psychiatrie même, on vit la stigmatisation par association, qu'on appelle, c'est-à-dire le phénomène d'être finalement sûrement des gens bizarres puisqu'on traite des gens qui vivent des phénomènes bizarres. Oui, puis j'étais à l'hôpital Louis H. Lafontaine où il y avait une activité pour déstigmatiser la santé mentale. Et puis, je discutais avec un patient qui disait que les préjugés existaient même au sein des patients touchés par la maladie mentale, parce que le dépressif allait dire « Ah non, mais moi, je fais pas d'hallucinations, je suis pas fou. » Donc même au sein des personnes touchées par la maladie mentale, on a des préjugés pour les autres maladies. Oui, d'ailleurs, il y a la dépression actuellement, j'ai l'impression ça passe un petit peu mieux que si par exemple, comme vous dites, on entend des voix. Ça c'est un phénomène où là les gens, c'est un niveau où là tout de suite on tombe dans plus de stigmatisation. Il y a eu des efforts de fait d'ailleurs sur la dépression, de la publicité, tout ça. Je pense que ça c'est intéressant. On est à essayer d'avoir aussi des efforts en ce sens-là pour les symptômes psychotiques, de dédramatiser ce phénomène-là. L'Association canadienne de schizophrénie, québécoise de schizophrénie, a fait aussi des travaux en ce sens-là. Donc, il y a vraiment, effectivement, une différence qu'on peut dire quand les gens disent j'ai un trouble anxieux. C'est toujours moins pire que de dire j'ai une schizophrénie, j'ai une maladie bipolaire. Maladie bipolaire, ça passe mieux. Hein, parce qu'il y a des gens, comme par exemple M. Pelado, il y a des gens connus qui ont fait part de leur problème de santé, et ça fait du bien. Les gens disent, finalement, alors que les maladies comme la schizophrénie, ça reste quand même un enjeu. C'est lié à l'agressivité, au danger. Les gens ont peur, ont une vision de la schizophrénie, des schizophrènes comme violents aussi. Mmh. Alors, ma toute dernière question, rapidement. Donc, on sait qu'on parle encore assez peu de santé mentale, mais parallèlement, la quantité de prescriptions au niveau des antidépresseurs, par exemple, a énormément augmenté, voire, moi, je trouve ça assez hallucinant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une surmédicalisation quelque part ? Est-ce que pour une petite dépression qui n'est pas une dépression majeure ou qui est un deuil, on va prescrire facilement des médicaments alors que cette personne-là n'est pas en dépression chronique? En fait, je pense qu'il y a même deux phénomènes. Il y a, dans le fond, l'utilisation de la médication, je dirais, que pour des fins dont tout à l'heure, Dr. Bouchard disait, quelqu'un a une vit une séparation, c'est pas vrai qu'un antidépresseur va nécessairement aider. Par ailleurs, malheureusement, les gens qui ont besoin de la médication, eux n'ont pas nécessairement, justement, n'auront pas accès nécessairement à la médication. Donc, il y a un tri à faire. Pour ça qu'on revient à tout le questionnement, dire de mieux déterminer, être plus en mesure de diagnostiquer, ça pourrait être aidant. Et qui prescrit aussi, parce que là, les généralistes peuvent prescrire, alors que, je parle pour la France, il n'y a que les médecins psychiatres qui ont qui peuvent prescrire au départ. Non ? Non. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne crois pas que les psychiatres... Mais je suis partie depuis longtemps de la France. Non, en fait... Votre question n'est pas simple à répondre, parce qu'en fait, elle résume un peu ce dont on vient de parler, de démêler ce qui appartient aux préjugés, de la cause environnementale, de la cause biologique, de la vulnérabilité ou non. Ça ne se répond pas simplement, mais il meurt plus de gens de ne pas être traités qu'il meurt de gens d'avoir été traités. Et ça, à mon avis, c'est important. Je vous remercie. Pas simple à départager. Ainsi se termine Futur Simple. C'était Valérie Levé et Morgane Lemasson à l'animation. C'était également François Grégoire à la mise en onde. Et merci à nos invités. Il y avait donc Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, Nathalie Gingras, directrice du département de psychiatrie et neurosciences à l'Université Laval. Et de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, il y avait Roch Hugo Bouchard, chef du département de psychiatrie. Il y avait également Marc Hébert, professeur directeur de recherche dans l'axe de recherche neurosciences clinique et cognitive, et il y avait également Charles Effecto, professeur et chercheur également à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Alors, restez sur CKRL au 89.1. Dans quelques instants, ce sera Michel Drolet avec vous pour Mezzanine. Téléchargez Futur Simple sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.